Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, second traité, chapitre 2, second paragraphe. Marie créée pour être Mère de Dieu. Je dois avouer en commençant que nous entrons maintenant dans une mer dont il est impossible de trouver le fond et les rivages, dans un océan sans bornes, où notre imagination se perd. Plaise à Dieu que nous y soyons plongés à jamais, que pourrait-il nous arriver de plus heureux? Mais comment s'embarquer, qui nous donnera assez de force pour lancer notre vaisseau sur cette immense plage? C'est l'Esprit divin qui dès le commencement était porté sur les eaux, Genèse 1, 2, c'est lui seul qui peut nous la donner. Ô Esprit Saint, enflez les voiles de nos désirs, donnez-nous la force de pénétrer dans cet abîme de grandeur. Si j'ai le bonheur d'y entrer, je ne me mettrai plus jamais en peine d'en sortir, puissé-je y demeurer englouti. Avant de parler des grandeurs de la Mère de Dieu, voyons si Marie mérite bien ce glorieux titre. Le premier qui osa le nier fut l'impie Nestorius. Il lui semblait que c'était trop avilir la majesté infinie de Dieu que d'appeler Marie Mère de Dieu. L'Église catholique, assemblée en concile général à Éphèse, condamna les erreurs de Nestorius et confirma la doctrine universellement tenue, en prononçant anathème contre quiconque refuserait à Marie un titre qui lui est dû avec tant de raison. Cantique 1, Concile Éphèse. Il n'y eut jamais personne parmi les catholiques qui en douta. Ce glorieux titre ne peut être refusé à Marie que par ceux qui nient que Jésus-Christ soit véritablement Dieu. Car en supposant cette vérité, en supposant, dis-je, que la nature humaine est une hypostatiquement au Verbe, et ne forme qu'une personne en Jésus-Christ, il est clair que Marie est mère de cette personne qui est Dieu, la relation de maternité ne peut se terminer à la nature seule, elle doit s'étendre à toute la personne, c'est-à-dire à Jésus-Christ tout entier, lequel est Dieu. De là, remarquez que Marie n'est pas appelée Mère de Dieu, dans ce sens qu'elle aurait engendré la divinité même, ce serait une absurdité, mais dans le sens qu'elle est mère d'une personne qui est divine, qui est Dieu. La nature humaine prise par le Verbe ne formant avec lui qu'une seule personne. Pour amener l'argument à sa plus simple expression, vous pouvez dire, Marie est véritablement mère de Jésus-Christ, or Jésus-Christ est véritablement Dieu. Donc Marie est véritablement mère de Dieu. Le lecteur me pardonnera cette courte digression dogmatique. Je me la suis permise pour éclairer les véritables serviteurs de Marie. Revenons à notre sujet. Et voyons si nous pourrons sonder cet océan de la maternité divine, à laquelle Marie fut destinée par le Très-Haut, de toute éternité, et pour laquelle elle fut créée dans le temps. Mais comment y réussir, si Marie tient de l'infini? La bienheureuse Vierge, dit en effet le docteur angélique, par la raison qu'elle est mère de Dieu, a en quelque sorte une dignité infinie, et sous ce rapport il est impossible de rien faire de plus parfait, de même qu'il ne peut rien exister de plus parfait que Dieu, confère saint Thomas. Si Dieu a destiné Marie à une si éminente dignité, représentez-vous, si vous le pouvez, les trésors de grâce que la munificence divine a dû rassembler dans son cœur. C'est un principe constant de saint Thomas que, quand Dieu choisit quelqu'un pour un état de vie, il le prépare et le dispose de telle sorte qu'il soit propre à en remplir les devoirs. Écoutez maintenant la conséquence que le docteur angélique tire de ce principe. Or, dit-il, la bienheureuse Vierge fut élue pour être mère de Dieu, on ne doit donc pas douter que Dieu, au moyen de sa grâce, ne les disposer et rendu propre à une si sublime condition. Je vous le demande, quelle grâce fallait-il pour être digne mère de Dieu, pour être unie par une si étroite affinité avec Dieu même, pour être mère de ce Verbe divin qui procède avant tous les siècles du sein de son Père céleste? Aux merveilles étonnantes, le Verbe divin fait homme reconnaît Marie pour sa mère véritable et naturelle, aussi bien qu'il reconnaît le Père céleste pour son véritable Père, comme il se glorifie d'être le vrai Fils de Dieu, ainsi il se glorifie d'être le vrai Fils de Marie. Bien plus remarquée la tendresse de son amour filial pour Marie, rarement Jésus s'est appelé lui-même Fils de Dieu, mais très souvent il s'appelait Fils de l'homme, c'était son nom de prédilection, c'est-à-dire Fils de la très sainte Vierge. Ce Dieu qui certainement ne renonce pas à sa propre gloire, ce Dieu qui a dit, Proverbe 17, 6, les pères sont la gloire de leurs enfants, ce Dieu se fait gloire de se reconnaître pour fils de Marie. Grande est la dignité de Marie, qui fut digne d'engendrer le Fils de Dieu. Grande aussi est la condescendance de Jésus. Je vous dirai avec saint Bernard, Homélien, Super Missu Est, numéro 7. Admiré de part et d'autre, vous trouvez de grands sujets d'étonnement, de prodiges, et dans la condescendance du Fils, et dans la dignité de la Mère. Qu'un Dieu s'assujettisse en qualité de fils à une femme, c'est une humilité sans exemple, et qu'une femme à titre de mère, commande à son Dieu, c'est une élévation sans égale. La dignité de mère de Dieu rend Dieu lui-même, en un sens, redevable envers Marie, puisqu'il doit reconnaître tenir d'elle la nature qu'il a revêtue, cette chair, ce sang qu'il s'est uni pour ne faire qu'une personne avec lui. Si Dieu a donné l'être à Marie, Marie, si j'ose le dire, l'a payé de retour, en lui donnant non pas la divinité mais l'humanité, elle peut dire en toute vérité en parlant de Jésus-Christ, vrai et unique Fils de Dieu, celui-ci est mon Fils, voici l'os de mes os, et la chair de ma chair, Genèse 2, 23, voir Contenson, Mariologie graduée dans la théologie de l'esprit et du cœur. Je ne dirai rien ici du pouvoir qu'un grand nombre de théologiens et d'excellents docteurs attribuent à Marie, savoir, d'exercer l'empire et l'autorité maternelle sur Jésus-Christ en tant qu'il est son Fils, à raison des droits dont les parents jouissent sur leurs enfants. Je n'en dis rien, parce que ce privilège pourrait être contesté par quelques-uns, et j'ai appris de saint Anselme qu'il ne convient pas de donner à Marie des éloges douteux, tandis qu'il y en a tant et de si grands, de si incompréhensibles, de si indubitables, dont nous ne saurons jamais assez relever le mérite et comprendre l'étendue. Je me contenterai de dire que Jésus voulut agir à l'égard de Marie comme si elle eût joui réellement de ce pouvoir. Luc 2, 51, il était soumis, obéissant, prévenant envers Marie, autant qu'aucun fils le fut jamais envers la meilleure des mères. Je ne dirai pas, d'une manière absolue, que Jésus ait été obligé de rendre à Marie les devoirs de respect et de soumission, mais je dirais qu'il le fit en effet. Je ne dirais pas absolument qu'il y ait eu dans Jésus obligation d'aimer Marie, comme tout fils est tenu d'aimer sa mère, mais bien qu'il l'aima en effet, et qu'il l'aima d'un amour que nous ne pourrons jamais comprendre. Je me réserve d'en parler ailleurs. Je dirais donc sans crainte que cette maternité donnait à Marie un certain droit de souveraineté sur toutes les autres créatures, voire Contenson, Mariologie, de sorte qu'étant la mère du souverain monarque de toutes choses, on ne peut lui refuser le titre et l'honneur de reine, titre que l'Église universelle reconnaît en Marie, en l'appelant reine des anges, des patriarches, des prophètes, des apôtres, reine de tous les saints. Comme mère du Rédempteur, Marie est la première parmi les créatures qui ait été prédestinée à la gloire. Sa prédestination et son élection sont renfermées dans la prédestination de l'humanité sacrée de notre divin Rédempteur, comme on l'a dit ailleurs. Elle fut tout à la fois choisie pour être sa digne mère, et destinée en conséquence à cette gloire incorruptible dont elle jouit aujourd'hui dans le ciel. La maternité divine à laquelle elle fut destinée, la rend, au dire de grave docteur, comme le temple de gloire de la très sainte Trinité, comme le moyen ou la cause instrumentale, par laquelle le Très-Haut daigne à manifester aux hommes et aux anges ses plus sublimes grandeurs, ses magnificences les plus étonnantes, puisqu'on ne peut révoquer en doute, qu'entre toutes les œuvres divines, l'union hypostatique du Verbe avec la nature humaine ne soit l'œuvre la plus grande, la plus sublime de la puissance divine, et cette union ne se fit pas sans le consentement et la coopération de Marie. C'est donc avec raison que les pères du Concile d'Éphèse, s'adressant à la très sainte Vierge, lui parlent de la sorte, Concile d'Éphèse chapitre 6, je vous salue, Auguste Vierge, par le moyen de laquelle la très sainte Trinité est adorée et glorifiée par tout l'univers. Saint Bernard a raison de dire, sermon 98 quant en son Mariologie, elle s'est faite tout à tous sans exception reçoivent de sa plénitude, le captif sa délivrance, l'infirme sa guérison, l'affligé sa consolation, le pécheur son pardon, le juste la grâce, les anges la béatitude, enfin la très sainte Trinité la gloire, et le Verbe divin la nature humaine, en sorte que nul ne se dérobe à sa chaleur bienfaisante. Ainsi parle ce saint docteur, telle fut, telle sera Marie, c'est à cette fin qu'elle a été prédestinée dans les conseils de l'adorable Trinité. C'est pour cette fin si noble, si sublime qu'elle a été créée, qui pourrait dire maintenant qu'elle dut être l'excellence d'une créature, choisie pour une fin si relevée. Si Dieu qui est infiniment sage, n'emploie jamais que des moyens proportionnés à leur fin, qu'elle dut être Marie, dont il voulait se servir pour une fin si sublime. Qui peut se l'imaginer? Quant à moi, je ne me trouve pas capable d'atteindre assez hauteur, ma vue ne perce pas aussi avant, il ne me reste autre chose à faire que d'admirer dans un silence d'étonnement ce que je ne puis, et ne pourrai jamais suffisamment comprendre, ni expliquer. Oui, admirons cet ouvrage digne de la main du Tout-Puissant, admirons ce magnifique édifice qui n'est destiné à rien moins qu'à servir de temple, de lit nuptial, de trône de gloire à son sublime auteur. Admirons cette auguste femme qui fut créée pour être la mère et la digne mère d'un Dieu. Ô Marie, véritable mère de mon Dieu, j'admire la haute destinée que vous avez reçue du Très-Haut. Ravi et stupéfait, je ne sais que dire, les paroles me manquent pour rendre ce qui excite mon admiration et mes transports. Que mon silence et mon étonnement rendent hommage à votre grandeur. Auguste Vierge, auguste Mère de Dieu, que toutes les créatures vous vénèrent en silence, qu'elles tombent à genoux devant leur reine, que les trônes même des cieux s'abaissent devant votre trône sublime, que les dominations, les puissances, les chérubins, les séraphins, que toute la cour céleste se prosterne en signe de vénération devant la mère de leur Seigneur. C'est ainsi que doit être honorée celle que le grand roi veut honorer. Que toutes les créatures de la terre vous servent de marche-pied, tandis que les malheureux habitants de l'abîme tremblent à votre nom, sont saisis d'épouvante et se dissipent comme la poussière à la face du vent. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.